Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Troisième saison, Avis de tempête. Pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Commencez l'évacuation du jardin du Luxembourg. Vous m'emmenez où, là, à la fin? Non, mais répondez! Je suis chargé de vous escorter jusqu'au Conseil constitutionnel, madame, où vous resterez sous la protection du GSPR, en attendant les instructions du secrétaire général. Quoi? Sous la protection du quoi? Quelles instructions? COTAM 1 ne répond plus. Non, mais je comprends rien, là. Qui répond plus? L'avion du président de la République est porté disparu, madame. Disparu? Montez, s'il vous plaît. Le président disparu? Non, mais attendez, ça veut dire que je vais... Oui, madame. ...57 rue de Varennes. 11e épisode. Oui, mes amis, le président va mourir. Car tel est notre bon plaisir. Ne m'en voulez pas de vous révéler ainsi l'acmé de notre tragique comédie. Un personnage qui s'en va, ce sont des choses qui arrivent. L'important est de vous raconter comment l'enchaînement inexorable des événements et l'aveuglement des hommes ont conduit nos héros au plus improbable des scénarios. Remontons donc, si vous le voulez bien, le fil du temps. 7 jours avant le drame. Nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Depuis bientôt 1 an, Pierre-Yves Gerland, l'ex-premier ministre, a cédé sa place à son ministre de l'Intérieur, Pablo Mercadal. Voici donc notre nouveau héros. Il ne sait pas, lui, qu'il court vers le drame. Il fait son métier de héros. Il court. Dans 7 jours, le président va mourir. Le poète a dit, pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Nous sommes le jour de Noël. Tout est calme au 57 de la rue de Varennes. Et le premier ministre Mercadal, sûr de sa force, a invité son prédécesseur. Monsieur le Premier ministre? Oui. Oh, excuse-moi Pablo, les réflexes. Je me crois encore chez moi. Il n'y a pas de mal, c'est toujours le bienvenu ici, Pierre-Yves. N'est-ce pas, Armel? Tout le personnel de Matignon est très heureux de vous revoir, Monsieur Gerland. Oh, merci, Armel. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur. Bon, ça va, les amoureux, là? Je vais être jaloux. Monsieur Mercadal, c'était pour vous dire que Monsieur le secrétaire général de l'Élysée demande que vous le rappeliez au plus vite. Je crois que c'est au sujet de votre vidéo de ce matin. Ah oui, je l'ai regardé, ton petit message de Noël. Oh, ils doivent être contents au château. Ok, merci Armel, je termine. Dites au SG que je le rappelle dans 5 minutes. Mais surtout, vous ne lui dites pas que je suis avec Pierre-Yves, hein? Bien, monsieur. Alors, au revoir, Armel. Au revoir, monsieur Germain. J'espère que t'es gentil avec elle. C'est Armel, c'est la personne la plus importante à Matignon. Elle voit tout, elle sait tout. Bah, évidemment, je suis gentil, tu me connais. Oh oui, c'est bien pour ça que je te pose la question. Tu sais qu'elle m'a envoyé des fleurs pour les obsèques d'Isabelle? Non, je suis désolé, moi, je pouvais vraiment pas me libérer. J'étais à Bruxelles pour la nomination de l'autre crétin. Mais y a pas de problème, Pablo, y a pas de problème. On a fait ça en tout petit comité. C'est ce que voulait Isa et moi aussi. La fin, c'était pas trop... Vous êtes allé faire ça en Suisse? Oui, un petit appartement avec vue sur le Léman. Elle avale une fiole... 10 minutes après. Bon, tu sais, c'est pas encore arbitré, mais finalement, pour mon programme, je vais peut-être intégrer un droit à mourir dans la dignité. Il serait temps. Bon, Pablo, j'ai réfléchi à ta proposition. Merci, mais franchement, quoi qu'il arrive, je ne me vois pas au Quai d'Orsay. En admettant que tu gagnes... Admettons. J'ai aucune envie de passer les 5 prochaines années dans des avions pour aller faire des phrases dans des conférences internationales. Et pour tout te dire, j'ai encore un peu d'orgueil. Je vais pas devenir ton ministre alors que j'ai été ton patron. Ben, j'imaginais que tu me répondrais ça, j'insiste pas. D'ailleurs, entre-temps, moi aussi, j'ai continué à réfléchir, j'ai une meilleure proposition pour toi. Un autre beau poste, mieux payé, mieux logé, tranquille, tu serais autonome. Pablo, c'est sympa tout ça, mais je ne m'explique toujours pas vraiment ta démarche. ton affection subite. Hein? Pourquoi t'as besoin de moi? Mais tu gardes une influence énorme sur le parti, Pierre-Yves. T'as jamais eu une telle cote de popularité. Pour un peu, c'est toi qui devrais te présenter. Ah, quand je pense que je suis descendu à 8% et que maintenant les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire « On vous regrette, monsieur Gerland. » Oh, ces chers électeurs. Oh, la politique, pour moi, c'est fini, Pablo. Vraiment. Je suis venu ici par politesse. Je te crois pas. Je te crois pas, Pierre-Yves. Qu'est-ce que tu vas foutre, franchement, tout seul, dans ta grande baraque? Mais je suis très bien à Bezac. En tout cas, c'est là que je me sens le moins mal en ce moment. Je suis entre le Jura et les Vosges. Je me balade, je monte à la citadelle, je regarde les hérons au bord du Doubs. J'ai besoin de verdure, c'est tout. Justement, c'est ma proposition. De la verdure. Mais à Paris, qu'est-ce que tu dirais du jardin du Luxembourg? Moi? Sénateur? Tu veux m'enterrer vivant? Président du Sénat. Quoi? Le plateau? Je ne suis même pas élu. Non, on s'en occupe. Ah, oui. Ah, ça, j'imagine que t'as tout prévu, hein, comme toujours. À part un détail, hein, Kerbelec. Quoi, Kerbelec? T'es quand même pas impressionné par cette merdeuse? Mais Tiffen n'est pas prêt de lâcher le plateau. Non, mais Tiffen Kerbelec est une sale petite conne ambitieuse. Tu la dégageras de la présidence en 2-2. T'en feras qu'une bouchée. Ambitieuse, c'est sûr. Conne, certainement pas. Elle serait pas devenue présidente du Sénat à 35 ans. 37. Ah. Tu sais très bien que pour les sénateurs, Kerbelec, c'est une opération de com'. Ils l'ont élu pour la galerie. Il y a 3 sénateurs qui ont moins de 40 ans, les 345 autres ont 80 piges de moyenne. 80. Ou en 70, mettons. En tout cas, ils ont tous l'âge d'être son père. Tiffen, c'est l'infirmière sexy qu'on met sur le devant de la photo pour cacher les déambulateurs. Elle sourit, c'est tout. Elle a des jambes plus longues qu'une séance de nuit à l'Assemblée et des jupes plus courtes que ses idées. Eh ben, dire que Laurence me trouvait misogyne, je sais pas comment elle fait pour bosser avec toi. Oh, arrête de défendre Kerbelec. Elle comprend rien à rien. Quand elle a été élue, elle faisait même pas la différence entre un projet et une proposition de loi. Elle apprend très vite. Et elle plaît aux Français. Moi, je l'aime beaucoup, cette fille. Et le président aussi. Non, bah, lui, évidemment. Ce vieux tireur d'élastique. Tout ce qui porte des collants. C'est vrai qu'il aime bien les frères Jacques. Quoi? Oh, non, laisse tomber, c'est pas ta génération. Tiffen vaut beaucoup mieux que ça, et tu le sais. Elle est encore un peu verte, d'accord, mais la relève, c'est elle. La vraie relève. Elle grandit la politique. Faut pas exagérer. Pablo, le Quai d'Orsay, le Sénat, tout ça, laisse tomber. Je prendrai pas parti entre le président et toi. Démerdez-vous avec votre élection. C'est derrière moi, tout ça, je te dis. Et puis, si vous organisez des primaires, je soutiendrai personne. Des primaires? Tu rigoles? Tu nous vois, le président et moi, plantés derrière des pupitres, avec le même temps de parole que Joyau, Prévin, la ravie de la crèche et l'autre alcoolique? C'est plus une primaire, c'est le catalogue de la redoute. De toute façon, c'est trop tard, et c'est tant mieux. Il n'y aura pas de primaire. Ça va jouer entre le président et moi, point barre. Et ce sera moi. Mais tu peux pas y aller contre le président, Pablo. Passe ton tour. L'opinion n'aime pas les traîtres. Tu sais ce que tu lui dois. Je ne suis pas son obligé. Oui, Armel? J'ai le président en ligne pour vous. Ah, il y a les oreilles qui sifflent. C'est son sonotone qui doit faire l'arsen. Une seconde, Armel, je finis avec Pierre-Yves. Le président ne fera pas de second mandat, Pierre-Yves. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis loin devant. 15 points. 15. Et je creuse l'écart pendant qu'il creuse sa tombe. Pablo, Matignon, c'est un cimetière à présidentiel. J'ai jamais cru aux malédictions. Je t'explique comment ça va se passer, Pierre-Yves. Bien sûr que le président va se présenter, il n'a pas le choix. Pour lui, c'est l'Élysée ou les juges. Il voudra annoncer sa candidature le plus tard possible, mais j'ai ma petite idée pour le forcer à accélérer le mouvement. J'attends qu'il se déclare, je fais le service minimum pour le soutenir pendant son début de campagne, et quand on aura endormi tout le monde, je lance une procédure de destitution. Quoi? Belansky. Ah, Belansky. Ah, c'était donc ça ton invitation. Je te trouvais bien radouci depuis tout à l'heure. Pablo. Quoi, Pablo? L'assassinat de Belansky, c'était sa décision. À lui, non? T'étais qu'un exécutant. Bon, donc t'as rien à te reprocher, ou je me trompe? Pablo, pas ça. Pas Belansky, non. Si, Pierre-Yves, maintenant, il faut que tu choisisses. T'es avec moi et tu vas te reposer au Sénat, ou t'es contre moi et tu finis tes jours avec le vieux au quartier VIP de la santé. Bien court le temps du deuil, et le naturel politique revient déjà au galop. les vœux de condoléances de Pablo Mercadal à son prédécesseur laissent la place au chantage et aux menaces. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Ce n'est pas de vous, hein? C'est Hugo, non? L'ex-premier ministre Gerland a quitté la scène, mais beaucoup de ses collaborateurs en coulisses continuent de faire tourner la machine. Nous venons d'entendre que sa secrétaire, l'indispensable Armel, travaille désormais pour Pablo Mercadal. Mais que deviennent les autres? Laurence, par exemple, qui était conseillère presse de Pierre-Yves Gerland. Je suis restée à Matignon. Je m'occupe toujours de la presse, mais pour Pablo. C'est plus... C'est différent. Et Hakim? Quand Pierre-Yves a quitté Matignon, le secrétaire général de l'Élysée m'a proposé de le rejoindre pour m'occuper de la communication du président. C'est plus... Bon, c'est différent. Des acteurs disparaissent ou changent de rôle, et d'autres feront leur apparition. Mais le décor reste le même. Car la machine infernale de la politique ne s'arrête jamais, mes amis. Et il y a du pain sur la planche en cette année électorale. Même un soir de Noël. Surtout un soir de Noël. Ce soir, demain matin, vous ouvrirez les cadeaux avec les... Toujours aussi élégante, l'épouse du Premier ministre. Un petit quelque chose de Jackie Kennedy? Bon, le physique de Jackie Kennedy et la voix de Jackie Sardou. C'est mieux que le contraire. Je l'ai entendu une fois dans la Traviata. J'en ai encore mal aux dents. Je pense tout particulièrement aujourd'hui aux personnes... Là, c'est la séquence émotion. ...personnes hospitalisées. Et je veux saluer le courage des hommes et des femmes qui portent l'uniforme de notre pays. Bon, ça, c'est la ligne rouge. Sur divers terrains, dans le chef des armées, c'est moi. ...de la France et nos valeurs. Alors, pendant que nous ouvrirons nos cadeaux et qu'on fera des... bataille de boules de neige. La petite blague, américaine. Cette année. Vous gagnez quoi, la présidentielle? Il est où aujourd'hui? Le Premier ministre est dans son fief, Strasbourg. Au nom de Caramel, d'Alice. Le chat est bien, mais la petite Alice est un peu crispée. Joyeux Noël à tous. Qu'est-ce qu'elle est moche, cette gamine. Que l'année à venir vous apporte la santé. 16 ans. Le bonheur. Oh, quel âge horrible. Joyeux Noël. Ouais, c'est ça, joyeux Noël. C'est tout de même sans précédent qu'un Premier ministre se permette de diffuser un message de vœux en famille depuis Matignon quelques jours avant les vôtres. Et sans nous prévenir, bien sûr. Vous savez que je suis pas très à cheval sur le protocole, monsieur le président, mais là, il y a un vrai problème de préséance. C'est clairement de la provoque. Ouais. Enfin, je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour une petite vidéo. Pardon, une petite vidéo qui a tout de même enregistré 3 millions de visionnages depuis ce matin, rien que sur Dailymotion. Dailymotion. 3 millions depuis ce matin? Je fais combien d'audience, moi, pour les derniers vœux, par exemple? Écoutez, l'année dernière, de mémoire, on a fait 6,8 millions, monsieur le président, 25% de moins que pour votre première année de mandat. Et cette année, avec cette vidéo, Mercadal est en train de tuer l'exercice. Pour vos vœux, si on ne modernise pas un peu la formule, les Français vont avoir l'impression de retourner sous Pompidou. 3 millions... Depuis ce matin. C'est clairement de la provoque. Donc, que fait-on, monsieur le président? Rien. On ne fait rien. On fignole mon intervention du 31. Vous réagissez. Et on attend la sortie de Paris Match. Quoi? Je viens d'avoir André Carnetti au téléphone. Ils sortent un article sur le Premier ministre? Mieux que ça. Pablo a peut-être fêté Noël au champagne, mais je vous garantis qu'il va se payer une vilaine gueule de bois. De Noël. Ça va bien. Merci. Pablo, il faudrait écourter là. Tu tires encore quelques mains et on y va. La journaliste attend. Joyeux Noël, c'est quelle télé? France 3 Alsace. Elle tourne son marronnier sur les marchés de Noël. Elle veut t'interroger sur place. Ok. Il faudrait que tu mettes quelques Alsaciens sur la photo parce que là, ils sont tous. Tous quoi? Joyeux Noël. Bonjour, monsieur le... Ça donne un drôle d'image de Strasbourg, là. C'est plus couscous que choucroute. Je fais ce que je peux. Je m'occupe de la presse. Je suis pas directrice de casting. Heureusement pas, la nuit, tu es déjà sombrée. Joyeux Noël. Attends, je dois répondre, c'est David. Mais quand je raccroche, on fait l'interview tout de suite, ok? Joyeux Noël. Oui, David. Ben, on y est encore, là. Il bat le record du monde de serrage de paluche. On dit trois conneries pour Bredel TV, on rentre par le TGV 21h. Mercadal, président. Mais on verra. Ah non, la prochaine fois, c'est votre tour. Sauf si le président se représente. Mais moi, je vote pour vous, monsieur Mercadal. Vous êtes jeune, c'est ça qui me plaît. C'est gentil. Ah, moi, j'ai pas le droit de vote, mais je voterais pour vous si je pouvais. Le président, il est trop vieux maintenant. Faut tuer le père aussi, Mercadal. Le mien non plus, il voulait pas lâcher la boutique. Aujourd'hui, moi, je suis là et il est au cimetière. Pablo, arrête-toi, s'il te plaît. Oui, non, c'est bien. Elle est où ton Alsacienne? Laisse tomber, on rentre. J'aime pas quand tu fais cette gueule. Pablo, tu te souviens quand tu me disais que ce serait bien qu'on fasse la une de match? Ouais, mais tu les relances un million, mais j'irai leur faire des ronds de jambes pendant les vœux de la presse. Pablo, l'appel de David, c'était au sujet de Stéphanie. So what? Où est-ce qu'elle était en tournée la semaine dernière? Déjà, mon agenda, j'ai du mal à alors c'est ma femme. Elle chantait à New York, je crois. Hein. Avec le Philharmonique, pourquoi? Vas-y, balance. Pas ici, ils filment tous avec leur portable. Florence, qu'est-ce qui se passe avec Stéphanie? Tu me promets de rester calme? Dégage! Allez, dégage! Bouge! Allez, laisse passer! C'est Jésus qui rentre dans un resto avec les apôtres et il dit à la serveuse « Bonjour, il nous faudrait une table pour 26 personnes, s'il vous plaît. » Alors, la serveuse les regarde, elle dit à Jésus « Mais vous êtes que 13. » Alors là, Jésus lui répond « C'est parce que pour la photo, on va tous s'asseoir du même côté de la table. » C'est plutôt une blague pour Pâques que pour Noël, ça, non? Oui, mais enfin, c'est sur Jésus. Ça marche aussi. Non, franchement, Dominique, t'es ministre de l'Intérieur, t'as pas autre chose à foutre que de nous raconter des blagues pourries. T'es intéressé à ce qui va sortir sur moi dans la presse, par exemple? C'est juste pour détendre l'atmosphère en attendant. Je peux pas surveiller toute la presse, Pablo. D'autant que depuis qu'on a supprimé les RG... Je suis le Premier ministre, merde! J'aurais bien aimé avoir ce putain d'article avant qu'il sorte en kiosque. Ça sort que le 27. Ouais, mais tu peux être sûr que dès demain, il y aura des trucs sur Internet. Et Stéphanie? Elle finit son concert à Playel. À minuit 20. Wagner. J'ai le régisseur. Il la jette dans une voiture dès la fin des saluts. Elle devrait plus tarder. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, hein? Ah! Quoi? J'en ai l'autre. C'est Judas qui dîne avec les apôtres. Et à la fin du repas, il se lève, il s'en va. Et il dit... Attends. Allez, bon week-end, les gars! Bon week-end. C'est vrai, c'est aussi plutôt une blague pour Pâques. Oui. Et voilà, monsieur. Ah. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. C'est tout? Tout est là? Ouais, j'ai chargé le maximum d'exemplaires, mais j'ai que deux sacoches. Il fallait envoyer une voiture, merde. Oui, mais c'était moins rapide. Bah alors, renvoyez une voiture à l'imprimerie et bourrez le coffre. Bien, monsieur. Non, laisse tomber, Armel. On va faire avec ça. Oui, ça va aller. Merci, Armel. Et merci, monsieur. À votre service. Bonsoir. Je vous raccompagne. Et joyeux Noël. Non. Il souriait, ce con, non? Il se foutait de ma gueule. Bon, ça va. La photo de une, elle est assez soft. Ouais, mais le titre... Il y a un point d'interrogation, quand même. Stéphanie Mercadal, escapade amoureuse à New York. Point d'interrogation. Oh putain, page 22. Oh. Ouais, là. Ça va aller, Pablo? Main dans la main, dans les rues de New York, Stéphanie Mercadal et le jeune chef américain Brian O'Neill font la queue pour entrer au MoMA. Ah bah, à propos de la queue... Ta gueule! Quoi encore? Bonsoir. Tu pourrais au moins t'excuser, bordel. M'excuser de quoi? Tu t'es excusé, toi, à chaque fois? Qu'est-ce qu'on est censé faire, là? Une scène de ménage? Devant ton roquet, en plus? Bon, je crois que je vais vous laisser. Non, tu restes, David, c'est une réunion de travail. C'est ça. Allez, au pied, David. Pas bouger, David. Eh ben oui, mon petit Pablo, c'est comme ça, t'es cocu. Arrête. Non, j'arrête pas. T'es cocu, voilà. Stop! Cocu! Chacun son tour. T'es pas le premier et tu seras pas le dernier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu veux que je continue à crier, c'est ça? Tu voudrais que je te demande pardon? Que je pleure? J'ai jamais pleuré pour un homme, Pablo, ça va pas commencer avec toi. N'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Alors dis-moi ce que tu veux. Tu veux que je casse un vase? Ça, je m'entends pas. On t'a demandé l'heure qu'il est, toi. Wana Alanich, Yago. Pas les vases, c'est tout ce que je demande. Je me suis déjà fait engueuler par le directeur du mobilier national quand Caramel a pissé sur le canapé Louis XVI. C'est du Louis XV. On s'en fout. Et c'est une méridienne, pas un canapé. On s'en fout, merde. Ça va. On le saura que t'as fait l'école du Louvre. Mais il m'emmerde aussi, ce chat. Je vais le faire piquer, tiens. En plus, je suis allergique. Écoute, Pablo. On était à New York. Personne me connaît là-bas. Et pardon de te dire qu'aux États-Unis, Pablo Mercadal, ça n'évoque pas grand-chose à grand monde. Je pensais vraiment pas qu'il viendrait nous mitrailler jusque-là. On n'a pas de chance, c'est tout. On n'a pas de chance. Mais tu comprends vraiment rien, ma pauvre fille. Ne me parle pas comme ça. Mais tu comprends pas d'où ça sort. Mais t'es encore plus conne que ce que je pensais, ma parole. Parle-moi correctement. Je te parle comme je veux. Qui est l'actionnaire majoritaire de Paris Match? Quoi? Quoi qui est l'actionnaire de... De quoi tu parles? Je te demande qui est l'actionnaire majoritaire de Paris Match. Mais j'en sais rien et je m'en contrefiche. Elle s'en fout, voilà, elle s'en fout. Putain, mais dis-lui toi, David. Carnetti. Je vais me faire bouffer ses couilles, cet enculé. André Carnetti? C'est un coup de l'Elysée, alors. Ah, madame, un éclair de génie. Écoute, Pablo, que ça vienne du président ou du pape, ça m'est équilatéral. J'en peux plus de toutes ces histoires, tu comprends? Ah, t'en peux plus. T'entends ça, David? Elle en peut plus. Bah, moi aussi, figure-toi, Stel, j'en ai marre. J'en ai marre de réparer tes conneries. C'est fini pour moi, toutes vos petites intrigues. C'est comme ça. T'es la femme du Premier ministre, va falloir apprendre à te tenir. Me tenir? Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu me prends? Pablo, c'est fini. Mais j'espère bien que c'est fini. Et en attendant, il va falloir ramer pour rattraper le coup. Demain matin, je fais une conférence de presse à Matignon et tu viendras à côté de moi avec Pablo, Alice. Pablo, t'as pas compris. C'est fini. J'ai entamé une procédure de divorce. À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 11e épisode. Louis-Do de Langsin, Chris Nyanguna, Laure Calamy, Hervé Pierre, Éric Caruso, Emeline Bayard, Grégoire Osterman, Yannick Choira, Alain Rimoux, Gilles Privat, Anne Cantino, Valérie Dashwood, Suzanne Aubert, Philippe Pierrard, Yann Sonberg, Jessica Vedel, Jemel Barek, Sébastien Faglin, Myriam Derbal et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yael Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. You know.